des DM, j'oublie les gouttes, j'oublie les problèmes et je tousse. Quand je fume trop d'air, poteau, je peux trahir le même. Quand j'ai d'un jet, tu m'aimes pas. Sache que moi non plus, t'inquiète pas. Roule, je fais mon bête, si je traîne pas. C'est que je vous sens plus, tu me rappelles pas. Nique tes enquêtes, c'est un passion bien, c'est dans le Gold 5. Arrête ça, ma gueule. C'est qu'une chose, c'est ta gueule. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. Je poursuis. T'en fous la part. T'enverrai les mains. T'en fous la part. Mais ta cagoule. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. Je poursuis. T'en fous la part. T'enverrai les mains. T'en fous la part. Pour arrière, prochain dans le caleçon. J'pense que vitesse à l'air, t'aimes la sensation. J'ai mauvaise et bonne fréquentation. De plus, comment j'en veux me tirer l'alimentation. C'est coupé sur la plaque pour finir la frappe. C'est des claques, garçon. Si tu veux la rate, que j'fais le max. J'en suis pas mes phrases, mes passons. À coup de matraque, j'les prends. Ça fait des breaks, je blague, je blague. J'en fous la plaque, je veux dans le vent. J'ouvre pas de tasse, de tasse. Y'a ma rate travers, ça me voit pas de pompe. Sauf quand tu traverses, bobo. J'ai joué le grand-père, que j'suis son pouce, mais leur faire la guerre, bobo. Y'a ma rate travers, ça me voit pas de pompe. Sauf quand tu traverses. J'y mets tout mon putain de cœur, j'me démène. J'peux le casse-nez sur la raille. J'en veux ce pont sous l'oreille. J'peux faire du rap, ta porte du rail. J'peux du roi spitter, roche m'oreille. Ou en tête des gens sont sous par balle. En priant d'avoir un super bol. J'm'en tape avec mes habits, j'm'en chale. J'garde mon sac, ouais, j'attends mes épaules. Et j'veux j'engage des petits bâtons. De la tic à ta marconne. J'peux changer, j'dépend ma cause. Moi je naisse en la tête. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. J'ai poursuivi. T'en fous la part. J'enverrai les mains. T'en fous la part. Mais ta cagoule. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. J'ai poursuivi. T'en fous la part. J'enverrai les mains. T'en fous la part. Mais ta cagoule. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. J'ai poursuivi. T'en fous la part. J'enverrai les mains. T'en fous la part. Mais ta cagoule. C'est le son de la grâce. Va t'envoler. C'est le son de la grâce. J'ai poursuivi. J'oublie les problèmes et je tousse. Quand je fume trop d'air, poteau, je peux trahir l'ombre.